Exercice 8, page 60. Virelangue. Tu te trouves au-dessus ou au-dessous? Tu te trouves au-dessus ou au-dessous? Tu te trouves au-dessus ou au-dessous?